Le coureur. Sur une statue de Miron. Tel que Delphe l'a vu, quand Timos le suivant, il volait par le stade aux clameurs de la foule, tel l'Adas court encore, sur le socle qu'il foule, d'un pied de bronze, svelte et plus vif que le vent. Le bras tendu, l'œil fixe et le torse en avant, une sueur d'airain à son front perle et coule. On dirait que l'athlète a jailli hors du moule, tandis que le sculpteur le fondait, tout vivant. Il palpite, il frémit d'espérance et de fièvre, son flanc halète, l'air qu'il fend manque à sa lèvre, et l'effort fait saillir ses muscles de métal. L'irrésistible élan de la course l'entraîne, et, passant par-dessus son propre piédestal, vers la palme et le but, il va fuir dans l'arène.